estimant qu'il y a du bon et, comme vous l'avez dit, il y a du moins bon. Président Bandakani, c'est à vous la parole. Alors, peut-être je vous accompagne avec une question qui pourrait être une provocation. Vous savez qu'il est reproché quand même aux autorités de la transition d'avoir manipulé le peuple pour qu'il y ait foule. Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas aussi être une erreur stratégique? Mon cher Bachir, il y a des questions, quand vous le prenez à votre compte, ça peut être comme si vous cautionnez la pièce. Le peuple malien aurait été manipulé par ses dirigeants. Ouais. Mais ceux qui le disent n'ont qu'à montrer les mécanismes de manipulation. Vous me demandez d'expliquer quelque chose qui ne vient pas de moi. Vous me demandez d'expliquer quelque chose qui est dit par ceux qui sont désespérés par la mobilisation extraordinaire qu'on vient de voir au Mali. Mais mon cher Bachir, n'étant pas un manipulateur, je ne comprends rien aux manœuvres manipulatrices. Allez donc voir les spécialistes de la manipulation, vous les connaissez, qui vous donnent les ficelles de cette manipulation et qui présentent au monde entier comment les Maliens ont été manipulés. Mais lorsque les Maliens sont sortis en masse, mon cher Bachir, pour honorer M. Hollande et lui donner un trône à l'époque, on est en 2014, ils étaient manipulés certainement, non? Par la France, évidemment. Quand les Maliens ont accueilli les soldats français en héros au Mali, sous la tradition de M. Diokounda Traoré, par milliers, descendant dans les rues, pour fêter la France comme étant une libératrice, comme étant le messie du Mali, ils étaient manipulés. Mais je voulais dire à l'époque que ce n'était pas ce qu'on disait dans les médias criminels français. Les journalistes français sont des criminels bâchis. Ce sont des assassins en col blanc. Je sais que vous appelez collègues. Oui. Vos histoires, votre fraternité, fraternité journaliste ne nous engage pas. Parce que vous n'êtes pas fraternel envers Julian Assange. Vous n'êtes pas fraternel envers Snowden, qui sont des grands journalistes. Parce que votre corporation, du point de vue, n'est-ce pas, des médias mainstream, est une corporation de criminels. Les médias français sont des criminels et des assassins. Tout le sang versé par la France, en Afrique et dans le monde, porte la complicité active des journalistes français. Tout bon confondu, mon cher Bachir. Tout bon confondu, mon cher Bachir. Qu'on ait des égards envers des médias comme Mediapart, qui essayent de sortir du lot. Dans une certaine mesure, le canard enchaîné, vous ne voyez pas. Mais le reste des médias français, vous savez aujourd'hui que ce ne sont plus des journalistes. Ce sont des employés des milliardaires. Ce sont des tueurs à qui on donne des ordres pour aller tuer les peuples, mon cher Bachir. Qu'est-ce qui vous surprend donc? Quelle fille France 24, moi je vais les citer, est passé le temps hier à se débattre, à vouloir minorer l'extraordinaire mobilisation du peuple malien, à vouloir la minorer. Mais toutes ces tentatives, ça faisait rire quand on vous les écoutait, parce que la puissance de la mobilisation, ça s'impose à tout le monde. Vous comprenez, mon cher Bachir? Donc, puisque vous avez dit que c'est une provocation, je pense que je vous ai démontré qu'il n'y a pas eu manipulation. On ne veut pas démontrer ce qui n'existe pas, mon cher Bachir. On démontre ce qui existe et ce qui est démontrable. Ouais. Voilà. Mon cher Bachir, je commencerai point par point. Je vais évacuer d'abord les agusies qui ont été mobilisées par ce qu'on appelle communauté internationale et ces relais méprisables de la CEDEAO. Et ces relais de valets, de vauriens de la CEDEAO, à qui on a donné le titre de président. Les bandits, des bandits déguisés en président. Des petits voyous et criminels déguisés en président, mon cher Bachir. Donc, on va évacuer leurs agusies. Point par point. On a dit, retour à l'ordre constitutionnel. Comme si au Mali, il n'y avait pas un ordre constitutionnel. Commençons par rappeler à ces gens qui sont si souciés d'un ordre constitutionnel au Mali que la CEDEAO est très soucieuse de l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Mon cher Bachir, je voudrais rappeler que la mise en insécurité de plus de 80% de l'intégrité territoriale d'un pays est une attaque à l'ordre constitutionnel de ce pays. Tous les juristes vont vous le démontrer, du moins ceux qui savent ce que veut dire être juriste, ils vont vous le démontrer, mon cher Bachir. On n'a pas vu tous ceux qui braillent là, tous ces criminels, en commençant par le petit bandit de l'Élysée. Je dis bien petit bandit qui prend les grands airs. Macron, c'est un petit gamin, mon cher Machine. C'est parce qu'il est président de la France, il dit que c'est un petit gamin. On verra l'avenir. Vous verrez l'avenir de ce petit minable. Allez, président Wanda Kani. Non, vous savez que je suis tenté de blaguer. Si vous voulez m'arrêter, moi je me lève, je pars. Non, je suis tenté de m'amuser. Je vous en prie, le mot il est très fort, je vous en prie. Bah, allez, je suis parti pour jouer. Et je vous en prie, le niveau du combat que nous avons atteint, moi je n'ai pas de fusil pour tirer sur quelqu'un. J'ai la parole pour l'exercer. Et je dois appeler un chat un chat. Si vous voulez m'amener à respecter un petit minable, un yéyé, qui s'amuse avec un continent comme l'Afrique, mon cher Bachir. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous allez faire pour m'arrêter. Je ne vais donner aucun respect à ceux qui ne le méritent pas, mon cher Bachir. Je ne vais respecter personne qui ne le mérite pas. Vous comprenez? Les dirigeants occidentaux, tous confondus, à partir du petit fantôme des États-Unis, en passant par le criminel de l'Angleterre, de la France et les minables de l'Union Européenne, n'auront jamais mon respect, Bachir. Et moi, je vous ai mis au défi ici depuis 10 ans. Vous verrez ces gens tomber. Ça fait 10 ans que je le dis, si vous êtes en train de voir ça commencer. Vous êtes en train de voir que vous respectez les minables depuis 10 ans. Et que le jour qui passe vous amène à les traiter comme ils méritent. C'est-à-dire des vauriens et des minables. Vous cherchez toujours des occasions pour dire, oh, c'est la diplomatie, machin et consort. Mais tous les jours, mon cher Bachir, vos égards diplomatiques, n'est-ce pas, devant l'étalage des crimes de ces gens, devant l'étalage de la cruauté de ces gens, tout ça va vous oblige, Bachir, à les décrire tels qu'ils sont. Des criminels et des minables, mon cher Bachir. Autant vous n'honorez pas un voleur dans votre quartier, mon cher Bachir. Ne me demandez pas d'honorer ces gens. Je ne le ferai pas. Quitte à ne plus venir sur les médias, mon cher Bachir. Donc, tout en respectant votre travail de policier, je tenais à faire cette mise au point, mon cher Bachir. Donc, je suis en train de vous démontrer que l'intégrité territoriale du Mali a été à 80% menacée sérieusement, mon cher Bachir, sous le regard de tous ceux aujourd'hui qui pinaillent sur ce qu'ils appellent l'ordre constitutionnel. Répétant des petits slogans pour impressionner les gens, alors qu'ils ne savent même pas de quoi est-ce qu'ils parlent. On n'a jamais violé l'ordre constitutionnel au Mali. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas, mon cher Bachir. Ça n'existe pas. Vous savez, si c'est le cas, le pays qu'on a fait, la France, a élevé au niveau de sa première valeur suprême, la Révolution française. Vous comprenez? La Révolution française, on a égorgé un roi. C'était un ordre légal à l'époque, mon cher Bachir. C'était un ordre légal et son épouse, merci Bertrand. C'était à l'époque la légalité de l'époque. C'était le droit divin. La souveraineté, le droit divin à l'époque. C'était légal. C'était légal, mon cher Bachir. On a égorgé. Et c'est à partir de l'égorgement de ce roi, mon cher Bachir, et de tout ce qui s'en est suivi, que la France a appuyé pour se présenter comme étant la lumière des nations, avec sa prétendue proclamation des droits de l'homme, des bêtises, des merdes de 1789, qui est un charabia qui impressionne les naïfs, mon cher Bachir. Toute l'histoire de la France, c'est de cela qu'il s'agit, mon cher Bachir. Vous savez, quand De Gaulle lance la résistance, il dit que l'ordre constitutionnel incarné par Pétain, ça ne vaut plus rien. Est-ce que vous le savez? Il dit que désormais, c'est moi qui parle au nom de la France, parce que Pétain, c'est un lâche. Je suis la France. Très bien. Parce que Pétain, le 14, quand il va à Londres, là, il lance son appel, il considère que, monsieur, l'ordre constitutionnel français, mon cher Bachir, qui était couché sur les pieds de Pétain, n'était plus un ordre respectable, monsieur. C'est ça qui a fait la grandeur de De Gaulle. C'est comme ça que là, dans l'histoire, mon cher Bachir, on nous parle de quoi? De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle, Bachir? Quand les Américains déclenchent leur guerre d'indépendance, il n'y a pas l'ordre constitutionnel de l'Empire? Oui, mon cher Bachir, l'Empire anglais n'était pas un empire légal, mon cher Bachir. Quand les Africains déclenchent le mouvement indépendantiste, que nous dit la France? Que l'ordre colonial est l'ordre constitutionnel qui règne. L'ordre de l'Empire, c'est l'ordre légal, la légalité de la colonisation. On a imposé ça aux indépendantistes, mon cher Bachir. Alors, donc, de quoi est-ce qu'on parle là? Donc, j'essaie de vous démontrer que l'ordre constitutionnel au Mali n'existait pas depuis, n'existe plus depuis au Mali. N'existait plus. Elle a commencé à être mise au garage par la division du Mali, la création d'un État dans l'État à Kidal. Bertrand vient de vous le rappeler, mon cher Bachir. L'enclave de Kidal est constitutionnelle? Je pose la question. Est-ce que l'enclave qu'on appelle Kidal est constitutionnelle? Donnez-moi la légalité constitutionnelle de l'enclave Kidal créée par les bandits français. En quoi c'est légal ce qu'il y a à Kidal? Qui parle de ça? Il ne faut pas qu'on le prenne pour des enfants. Monsieur Macron n'est pas intelligent qu'un petit Africain qui n'a même pas été à l'école. Et il est simplement assis sur la violence impériale de la France. Mais il y a un temps pour toutes choses, mon cher Bachir. Et ça a commencé là. Le compte à rebours a commencé sérieusement là, mon cher Bachir. Donc, l'ordre constitutionnel. Donc, oui. Alors, les Maliens, au nom de qui la constitution existe, constatant que le pays est mort, sont allés dans la rue pour faire renaître leur pays. Et en déposant un président voyou, corrompu, qui détournait le budget militaire, mon cher Bachir, et permettait à son fils, petit voyou, de s'amuser avec l'argent des Maliens pendant que les militaires n'étaient pas équipés, mon cher Bachir. Et ce président voyou a démissionné. Et durant son discours, il a bien dit qu'on l'a pas obligé à démissionner. Fouillez son discours. Fouillez son discours, monsieur Bachir. Quand un président démissionne, quand un président constitutionnel, entre guillemets, démissionne et dit « je démissionne de mes fonctions », on parle de quoi? Et quand il a démissionné, monsieur Bachir, il y a eu un processus de régularisation constitutionnelle du pouvoir d'Assimil Goïta qui a été soldé par une investiture. Vous n'avez pas vu ça, mon cher Bachir? Vous n'avez pas vu ça? On parle de quoi? Faut qu'on arrête de nous manipuler, mon cher Bachir. Vous savez? Alors nous parlons. Est-ce que vous savez? L'ambassadeur du Mali, alors nous parlons au nom de qui? D'un ordre inconstitutionnel. Vous êtes sérieux? Alors nous parlons. L'ambassadeur du Mali à l'ONU, il parle au nom de qui? L'ONU reconnaît que le pouvoir de la Assimil Goïta est un pouvoir légal, mon cher Bachir. C'est reconnu, ce n'est pas une faveur. L'ONU n'a pas le choix, c'est une obligation juridique de démontrer. Parce que le processus qui a conduit, n'est-ce pas, à l'investiture du président Assimil Goïta est un processus constitutionnel, monsieur Bachir. Donc, que ne vous impressionne pas avec les gros mots inutiles. Inutiles, mon cher Bachir. Pendant que vous parlez, j'en profite juste pour rappeler à nos téléspectateurs, bien sûr, qu'on a appris le décès donc de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, il y a tué là quelques heures. Père à son âme. Je continue. Vous poursuivez, président Bandekou. Bien sûr. Donc, j'étais en train d'indiquer, mon cher Bachir, que, n'est-ce pas, il n'y a donc pas un problème d'ordre constitutionnel au Mali. Oui. On évacue ça. Deuxième argument, les arguments qui ont été justifiés pour dire, on a dit, ok, le Mali n'est pas un gouvernement légitime. Vous savez qui l'a dit? Le bandit de l'Élysée. Mais entre-temps, vous savez bien, durant le processus de la transition, durant les différents péripéties de la transition, vous avez bien vu qu'il a dit qu'il a condamné le coup d'État, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait de Badao et de Mokhtarwan? N'ont-ils pas été réduits à l'Élysée? Ne prenez pas les Africains pour des idiots. Ils étaient réussis à réaliser en tant que qui? Ils étaient légitimes qu'il fallait comploter contre le Mali et Assimil Goïta. Quand il fallait faire un complot pour éliminer tous les garants de la charte de la transition, les militaires proches d'Assimil Goïta, M. Mokhtarwan et M. Mbadao, n'est-ce pas, étaient légitimes. Mais n'avaient-ils pas été désignés comme employés, n'est-ce pas, d'Assimil Goïta et des militaires qui ont pris le pouvoir? Bachir, quelle est cette entre guillemets, junte militaire qui est légitime, n'est-ce pas? Elle est légitime lorsque cette dynamique ne plaît pas à la France, mais le coup d'État, lui, est légitime lorsque ceux qui sont désignés par les soi-disant militaires illégitimes, n'est-ce pas, décident de rouler pour la France pour détourner la transition, n'est-ce pas, de sa vocation. C'est ça la manipulation. Et non ce que vous avez vu hier dans les rues. Voilà la manipulation. Ça, c'est pareil. Je vais plus loin. Alors où je vous parle, mon cher Bachir. Alors où moi je vous parle, mon cher Bachir. Est-ce que vous savez que la France, ils sont allés se mettre à genoux devant Assimil Goïta pour que les vols Air France reprennent au Mali? Vous êtes au courant? Vous n'êtes pas au courant? Bon, moi je vous informe. Je sais que vous êtes au courant, vous êtes très informé. Je le sais. Alors, c'est toujours un président illégitime, non? Comment on va négocier le retour des vols Air France au Mali avec un président illégitime? Parce qu'on vous prend pour des sous-hommes, vous n'êtes pas des hommes. Mais c'est très bien fait pour les petits bandits de la CEDEAO. Pendant qu'ils ont été manipulés, parce qu'ils ne valent rien, ce sont des incultes, ce sont des incompétents, ce sont des valets. Pendant qu'on les a manipulés pour aller se dresser contre le Mali et signer leur arrêt de mort dans les mois, les semaines, les années qui viennent, retenez ça, mon cher Bachir. Leur parrain est allé par derrière. Alors nous parlons. La France se met à genoux. La France est en train de supplier Assimil Goïta. Je parle à Mondovision. Hein. La France est à genoux devant Assimil Goïta. Parce que les Français, ils font le bruit, mais ils savent que c'est fini en Afrique et qu'ils doivent se mettre à genoux. Alors nous parlons. Comment les mêmes gens qui ont dit, dès que la CEDEAO a fait le communiqué. Air France a pondu un communiqué pour dire désormais nos vols. Nos vols en direction du Mali sont suspendus. Mm-hmm. Le communiqué est public, mon cher Bachir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que le criminel de la Côte d'Ivoire, ancien rebelle terroriste, arrivé au pouvoir par la force et la violence la plus sauvage que l'humanité ait connue, pendant qu'il court pour s'agiter, alors qu'il est perdu, n'est-ce pas, son parrain Macron est en train de négocier avec Assimi Goïta. Goïta, président illégitime de la transition, mon cher Bachir. Et c'est parce que Paris s'est mis à genoux qu'il semble-t-il Assimi Goïta. Évidemment, ça c'est, on appelle ça la grandeur. On appelle ça non, le coup élégant. On appelle ça le coup élégant. On appelle ça un coup d'un grand. Il dit, ok, parce qu'il n'y a, pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Bachir ouvre les yeux. Parce que pourquoi? Pour une fois que l'Afrique a compris ce qu'on appelle l'unité, Bachir, l'unité. Pour une fois que le continent a compris qu'on doit parler du même voile, les résultats sont clairs. Paris n'est pas la seule. L'ONU veut négocier. Monsieur Gutiérrez, ce petit assassin qui a dit que le coronavirus va tuer tous les Africains. Vous savez, vous voulez m'arrêter? Oui, mais bon. Vous voulez m'arrêter pourquoi? Le mot assassin. Pourquoi? Parce que le mot assassin, président. Parce que c'est le secrétaire général de l'ONU. Le mot assassin, je fais ma police d'antenne. Oui. Allons-y. Parce que c'est le secrétaire général de l'ONU, non? Le secrétaire général des Nations Unies. Voilà. On ne parle pas comme ça, le secrétaire général de l'ONU. N'est-ce pas? Allons-y, président Madakani. Mais je vous épargne la démonstration de ce qu'il est réellement, comme je le dis. Ce n'est pas une injure, c'est ce qu'il est. Mais bon, je vous épargne la démonstration. Il dit que vraiment, il faut qu'on s'assied pour trouver une transition acceptable. Voilà. Pas tous. Il faut s'asseoir pour trouver une transition acceptable. Il a fait une sortie hier. C'est M. Gutiérrez. Vous savez pourquoi il fait ça? Vous nous le dites. Ils n'ont pas le choix. Vous faites comment pour ne pas voir la démonstration qu'il y a eu hier? Bertrand, c'est ça que tout à l'heure a parlé du cas ivoirien. Non, le problème, c'est que pour le cas ivoirien, c'est simple. Les saisons ne sont pas pareilles, c'est tout. Ouais. Il y avait même mobilisation à l'époque. Sauf qu'à l'époque, le président Mabou n'avait pas un allié. Comme la Russie. Les Africains n'étaient pas aussi ouverts comme aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est à la faveur de la crise ivoirienne que le mouvement pour l'africanisme renaît de son sens. Et nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants envers le président Gbagbo. Et ces vrais ministres qui ont vraiment mené le combat, pas les faux qui l'entouraient, les vrais. Nous avons appris à faire la différence avec le temps. Et nous saluons le président qui a fait une sortie. Seul politicien ivoirien de premier rang a soutenu le Mali, dénoncé la CEDEAO. Monsieur Colin Bédié est silencieux comme l'habitude, il fume son cigare et il boit ses champagnes. Voilà. C'est des détails. Parce que c'est un roi. Alors, je vous dis, Afin Nguessa est très silencieux. Écoutez-moi bien. Je suis avec vous encore une minute et puis on va reprendre le tour de table. Allons-y, c'est vous qui avez la parole. Ce Conan Bédié est très silencieux, c'est important de le dire. C'est vous qui avez la parole, votre minute elle est là, allez-y. Monsieur Afin Nguessa, silencieux. On peut continuer à les citer, mon cher Bachir. Le président a pris position. Et ça, c'est de temps plus grand parce qu'il a toutes les raisons de se fâcher des Maliens. Qui à l'époque ont soutenu la chute du président Gbagbo. Mais on n'est pas ici pour réveiller les vieilles plaies. Donc pour vous dire quoi, mon cher Bachir? Ce qui s'est passé hier au Mali, voilà alors la vraie démocratie. Ça fait des années, Bachir, que je vous dis ici que nous militons pour une démocratie de la libération et de l'émancipation. J'adore ce concept, vous le savez. Des petits prétentieux m'ont dit, c'est quoi cette affaire, démocratie universelle? C'est quoi cette affaire, démocratie, machin de... Mais écris-nous ça, mais fais-nous un modèle. Moi, je ne modélise pas, je ne suis pas un académicien. Les modèles, la plupart du temps, sont dans les poubelles des académies. L'histoire s'écrit concrètement, mon cher Bachir. La démocratie de l'émancipation est devant vous au Mali. C'est une démocratie qui articule les vrais acquis de la démocratie et la perspective de la libération, mon cher Bachir. Vous avez le modèle concret devant vous au Mali. Et je vous annonce, quand on va valider tout ce qui s'est passé à la charte, quand on va rendre public la résolution des travaux de la charte des Assises nationales, Bertrand vous a montré ça, l'autre jour, vous a parlé de ça. Bachir, je prierai qu'on fasse un débat ici. Vous allez voir les innovations démocratiques qui sont dans cette charte-là. C'est l'enjeu. Allez voir les innovations démocratiques. Il y a un modèle qui émerge, Bachir. Mais si vous n'appelez pas démocratie ce qui se passe au Mali, qu'est-ce que vous parlez de...